Alors, il est 18h04, vous écoutez Future Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Alors, vous vous souvenez peut-être de notre entrevue la semaine dernière avec Michel Provencher du ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs. Il nous a parlé du protocole de Nagoya qui doit guider l'accès aux ressources génétiques et comment partager les bénéfices qui en découlent avec les populations locales. Alors, ces ressources génétiques, qu'en est-il et comment les trouve-t-on? Alors, eh bien, nous allons avoir un exemple avec notre chroniqueuse Morgane Lemasson. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors oui, on va voir un petit peu tout ça. Donc, il faut savoir que la consommation de médicaments est un comportement généralisé. On le retrouve donc chez les enfants comme chez les adultes. Et on voit qu'au cours du temps, ben, cette consommation augmente. Donc les firmes, les firmes pharmaceutiques doivent toujours chercher à développer des médicaments. Et l'une des choses qui est très difficile lorsqu'on fait ça, c'est de trouver des principes actifs. Alors, principe actif, en fait, c'est la molécule, voilà, qui aura l'effet thérapeutique. Et donc, après, elle pourra être synthétisée et puis donner un médicament. Donc, à ce sujet, on va parler, nous, ici, des études, des travaux faits par Sabrina Krief, qui est une jeune vétérinaire et enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et qui a eu une idée extraordinaire, en fait, pour trouver des principes actifs. Mmh. Donc, elle a décidé d'inventorier les plantes médicinales d'une forêt, qui est la forêt de Kibale, qui se situe en Ouganda, et qui est très, très, très dense en végétation. Et donc, pour la petite note, il faut le savoir qu'à l'heure actuelle, on ne connaît que 5% seulement de la flore terrestre. C'est vraiment minime. Ouais, donc, dans les 95% restants, on imagine qu'il y a vraiment des trésors pour la médecine humaine, voire animale. Hein. Alors, le défi de Sabrina Krief, en fait, c'est de dénicher dans cette flore gigantesque quelles sont les plantes qui sont médicinales et comment est-ce qu'elle le fait? Mais en fait, évidemment, comme il y a beaucoup, beaucoup de plantes, elle a dû suivre un guide et je pense que c'était le meilleur guide qui soit, c'est le chimpanzé. Ah alors, bon, vous allez me dire, voilà, pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, il faut savoir que cet animal a 90% de son patrimoine génétique, donc de son génome, qui est commun au nôtre. Mmh. Donc, les plantes vont sûrement agir sur nous. D'accord. Les souris aussi, je pense qu'ils ont... Oui, qui ont beaucoup, mais pas 90%, mais très, très proches. D'accord. Et puis, aussi, si on le regarde, eh ben, c'est vraiment un animal qui est soumis à énormément de parasites, de microbes, de maladies en tout genre, et pourtant, il est en super forme. S'il n'y avait pas le braconnage, je pense qu'on pourrait dire même qu'il est en meilleure forme que nous. Donc, c'est pour ça que Sabrina Krief est allée deux fois par an, depuis plus de 10 ans maintenant, pour suivre des familles entières de chimpanzés et essayer d'associer à la fois leur état de santé et leur régime alimentaire. Et donc, elle a découvert que ces animaux avaient une culture médicale extraordinaire et qu'ils étaient capables, en utilisant les plantes de leur environnement, de soigner par eux-mêmes. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si un singe s'alimente ou simplement s'il se soigne, en fait? Et comment sait-on si le singe est malade ou en bonne santé? Ben, c'est une tâche très, très difficile, surtout quand on travaille avec les chimpanzés, parce que, évidemment, c'est un animal en voie de disparition, donc protégé. Donc, il était hors de question de faire des prélèvements, de le toucher ou de le déranger. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés. L'une des premières a été de pouvoir s'approcher de moins de 5 mètres pour pouvoir observer leur comportement et leur alimentation, et sans qu'il fuit et sans qu'il ait peur, ouais, sans le déranger, quoi. Donc, il y a eu une phase, je pense, qui a duré 1 ou 2 ans d'adaptation pour que l'animal s'adapte au groupe qui les étudie. Okay, l'apprivoisement, quoi. Oui, voilà. Mais l'apprivoisement, en tout cas, que l'animal ait l'habitude de la présence de l'homme, comme un autre animal. Et puis, la deuxième difficulté était, bien évidemment, de voir si un animal est malade, parce qu'il ne va pas vous parler. Et puis, ouais, donc là, il a fallu... température. Oui, on ne peut pas. On n'a pas le droit de le toucher. Et donc, il a fallu que Sabrina Krief connaisse extrêmement bien chacun des individus du groupe qu'elle étudiait pour distinguer l'état malade de l'état en bonne forme. La troisième difficulté de cette étude, c'était de pouvoir, quand elle avait découvert un animal malade, de pouvoir le suivre. Et donc, dans la jungle, dans la forêt qui est très dense et marécageuse, et eux, ils progressent très très rapidement. Enfin, la troisième difficulté a été de regarder, justement, de voir et de repérer les moments d'automédication, car c'est des moments rares, parce que les animaux ne sont pas tout le temps malades, et très brefs, parce qu'au lieu de consommer des poignées entières de feuilles comme ils le font quand ils s'alimentent, là, ils vont consommer des plantes toxiques, en fait, et donc ils vont les consommer en petites quantités. Alors, on voit que c'est beaucoup, en fait, ça se fait beaucoup à la suite d'observations. Oui. Mais concrètement, en fait, comment Sabrina Krief procède-t-elle? Alors, pour vous donner des exemples, pour l'état de santé, elle va réunir plusieurs indices. Elle va ramasser les crottes et les urines de chaque animal. Elle va procéder à des tests de parasitologie. Okay. Est-ce qu'elle pourrait faire aussi d'autres types de tests avec ça qui pourraient révéler l'état de santé du Une étude du des selles en, oui, en général, oui. Les microbes, etc. Bon, d'accord. Je ne suis pas vétérinaire ou médecin à la base, mais je pense que oui. Et ils vont regarder aussi la brillance des yeux pour voir s'il y a de la fièvre, voir si l'animal a un drôle de comportement, s'il dort beaucoup, s'il est un peu apathique, s'il se déplace doucement. Donc là, il va voir peut-être qu'ils sont fébriles, ils ont des douleurs. Il va regarder aussi s'il se gratte toujours au même endroit pour voir s'il y a des plaies. Donc l'ensemble d'indices va leur permettre d'avoir un examen clinique assez complet. Puis après, elle va dire, ok, cet animal est malade, elle va le suivre toute la journée quand il va aller un peu n'importe où dans la forêt. Et elle va essayer de noter tous ses mouvements et tout son régime alimentaire. Noter quels végétaux il va manger, quelle partie, est-ce que c'est la sève, les feuilles, tige, les racines, quelle quantité, la dose, la fréquence et à quelle heure. Après, elle va réunir tous ces végétaux et elle va procéder à des tests biochimiques pour voir s'ils ont bien des effets thérapeutiques et aussi quels sont les principes actifs, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors finalement, est-ce que Sabrina Krief a réussi à trouver des plantes médicinales et est-ce que ces plantes ont permis de découvrir les molécules actives? Oui, mais vraiment beaucoup, parce que sur une trentaine de plantes qu'ils ont étudiées, ils ont isolé 84 extraits. Alors la plupart, enfin plusieurs avaient des effets antiparasitaires, bien évidemment. Il y en avait un extrait qui pouvait agir contre la leishmaniose, d'autres c'était antimicrobien, antibiotique. Il y en avait aussi des cytotoxiques, c'est qui tue les cellules. Donc ils ont vu, notamment en laboratoire, que ça pouvait tuer les cellules parasitaires, mais aussi cancéreuses. Donc c'est très très intéressant. Et puis aussi, ce qu'ils ont montré de super intéressant, c'est que les chimpanzés pouvaient avoir logé des parasites qui donnent le paludisme, la malaria, et qui s'appellent les plasmodiums. Donc ils en ont de plusieurs types, dont deux qui n'avaient jamais été découverts auparavant. Donc ça va être très utile pour les entomologistes médicales. Est-ce qu'ils en souffrent ou ils sont seulement porteurs? Oui, ils en souffrent, mais ils ont des crises de paludisme, mais vraiment, les symptômes sont vraiment plus atténués par rapport à l'homme. Et en fait, ils prennent des substances qui permettent peut-être de diminuer ces symptômes. On a vu qu'ils pouvaient manger les feuilles d'un arbre qui s'appelle Trichilia rubescens, et qu'après avoir consommé ça, c'est très drôle, parce qu'ils mangent de la terre. Et en fait, en laboratoire, ils ont regardé si, pris séparément, la terre et la feuille avaient un effet contre le paludisme. Mais non, pas du tout. C'est les deux ensemble. Ah bon, alors il y a un effet combiné. Voilà, il y a un effet combiné parce que la terre va broyer les feuilles et le surnageant, donc la partie de la feuille qui n'a pas été absorbée, contient le principe actif, la molécule qui va agir contre l'agent du paludisme. Donc, ces travaux ont permis de connaître beaucoup l'animal et puis de découvrir beaucoup de molécules qui pourraient être intéressantes pour l'homme et la médecine humaine, voire animale. Mais probablement que les singes ne sont pas les seuls animaux à se soigner. Non, si on regarde un peu la littérature, on trouve, c'est pas des exemples aussi gros et développés que cette étude-là, mais on voit qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont des comportements d'automédication. Les chats, par exemple, on les voit souvent manger de l'herbe, en fait, c'est pour se faire vomir, pour se purger. Uh-huh. Il y a aussi des animaux qui vont, lorsqu'ils vont avoir des petits, les femelles vont manger des plantes qui sont riches en œstrogènes pour être non fécondes et pouvoir élever leurs petits. Et lorsque les petits sont grands et peuvent se débrouiller tout seuls, là, elles vont manger d'autres types de plantes qui sont des précurseurs de progestérone et donc qui vont réactiver le système reproducteur. Et cette année, ben, une nouvelle étude qui a été réalisée par Jacques de Rode et Thierry Lefebvre montre que même les papillons monarques ont ce type de comportement. Donc en fait, eux, leur problème, c'est qu'ils sont infestés par des parasites qui vont dans leurs intestins et qui restent tout au long de la vie. Et si elles pondent des œufs, elles peuvent les transmettre et donc là, tous les œufs vont mourir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont pondre les œufs sur des plantes spécifiques qui ont des carnéloïdes, donc c'est des antiparasitaires. Mmh. Et donc ça va sauver la progéniture. Donc je pense que ces études-là d'éthologie pourraient vraiment permettre de mieux comprendre de nouvelles façons de se soigner et avoir de nouvelles idées. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Oui, c'est un fait. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ces comportements-là sont innés chez l'animal. Vous allez chercher probablement... En fait, non, pas vraiment. En fait, ils sont en train de regarder ça à l'heure actuelle. C'est le nouveau sujet de Sabrina Krief. Voir comment ça se transmet. Et on pense que c'est l'observation des animaux, des petits, vers l'adulte. Mais pour l'instant, c'est en cours. D'accord. Alors, Morgane Lemesson, merci beaucoup pour le voyage en Ouganda chez les chimpanzés. Merci. Alors, et maintenant, nous allons faire une courte pause musicale et on vous revient tout à l'heure. En fait. Vous écoutez le 89,1.